Bonsoir, bonsoir. Vous écoutez Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Nous sommes le vendredi, il est presque 21h et c'est le début de Nuisance. Encore une fois, Nuisance. Prochaine station, Saint-Cyprien.

Thank you.

je vais faire un problème, ni je vais faire un problème. Un problème, ni je vais faire un problème, ni je vais faire un problème, ni je vais faire un problème. Chaque fois que ce signal est allumé, vous devez attacher votre ceinture pour votre sécurité. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes à votre siège. Whenever the seatbelt sign is on, your seatbelt must be securely fastened. For your safety, we recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while seated. To release the seatbelt, just lift the buckle. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. To release the seatbelt, just lift the buckle. Just lift the buckle. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. Il est strictement interdit de fumer dans l'avion, y compris dans les toilettes. This is a no-smoking flight, and it is strictly prohibited to smoke in the toilets. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement à votre portée. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will drop automatically in front of you. Tirez sur le masque pour libérer l'oxygène. Placez-le sur votre visage. Pull the mask toward you to start the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth. Make sure your own mask is well adjusted before helping others. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. En cas d'évacuation, des panneaux lumineux exit vous permettent de localiser les issues de secours. Repérez maintenant le panneau exit le plus proche de votre siège. Il peut se trouver derrière vous. In case of an emergency, the illuminated exit signs will help you locate the exit doors. Please take a moment now to locate the exit nearest you. The nearest exit may be behind you. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine. À l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits on each side of the cabin are located at the front, in the center, and at the rear. Pour évacuer l'avion, suivez le marquage lumineux. In the event of an evacuation, pathway lighting on the floor will guide you to the exits. Les portes seront ouvertes par l'équipage. Doors will be opened by the cabin crew. Les toboggans se déploient automatiquement. The emergency slides will automatically inflate. Le gilet de sauvetage est situé sous votre siège ou dans l'accoudoir central. Your life jacket is under your seat or in the central armrest. I will touch the strap. que sous les bombes anglaises, il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus à manger, etc. On était repliés, j'étais replié au Mans. On a créé une auberge à jeunesse, on a appelé « Que ma joie demeure », et qui a été utile parce que c'est par là que sont passés, en particulier des jeunes juifs qui allaient passer la ligne de démarcation, ça servait d'étape. Tandis que certains tentent d'instrumentaliser la presse collabo, d'autres pensent le moment venu d'envoyer des sous-marins révolutionnaires au sein des organisations fascistes. C'est le cas d'Henri Molinier, vieux militant de l'opposition de gauche et cofondateur du journal La Vérité. Dans un texte intitulé « Que faire ?», le frère de Raymond Molinier exhorte ses compagnons des comités communistes internationalistes, ou CCI, à sortir de l'isolement pour, je cite, « s'incruster aux masses, malgré le fascisme et Staline ». C'est donc le moment où quelques militants décident de noyauter, notamment le Rassemblement National Populaire, ou RNP, de Marcel Déa. Michel Lequen. Il y a tout un magma de calomnies, n'est-ce pas, qui sont complètement à rejeter. L'entrisme de quelques militants trotskistes des CCI, c'était même pas encore CCI, c'était la seule voie, dans le RNP, ça n'avait rien de collaborationniste. Et alors, pourquoi est-ce que Molinier a décidé d'un entrisme dans ce mouvement? On ne peut le comprendre que si on ne comprend pas la profonde démoralisation qui a pu frapper une quantité de militants de gauche, c'était l'époque du pacte Claire Staline, n'est-ce pas? Et pour Molinier, il a pensé que, voilà, on avait pour toute une période historique, stalino-fascisme, le reste du monde. Et il y avait aussi cette idée, d'ailleurs, juste que le nazisme avait une démagogie, n'est-ce pas, peigéienne, n'est-ce pas, qui avait été surtout ça, qui l'avait ensuite liquidé. Mais que, comme cette démagogie continuait, il y avait la possibilité de faire du travail de fraction. Alors, venu à l'engagement politique par antifascisme et au milieu des années 30, Paul Parisot est l'un des dirigeants du POI, le Parti Ouvrier Internationaliste, l'autre grand courant trotskiste sous l'occupation, Paul Parisot. Il s'agissait d'envoyer des gens, dont certains étaient de très bons militants, de très bons copains, très actifs, comme Fourier, qui avait été le créateur d'une série de chorales, chantait les chants révolutionnaires. Fourier a été envoyé au RNP de Déa pour lui et d'autres pour y trouver je ne sais quelle possibilité de rendre l'action moins illégale et de pénétrer je sais comment ni pourquoi cette organisation purement fasciste qu'avait créée Déa. C'était un entrisme sans principe. Trotsky était partisan que nous rentrions dans la SFIO. Il l'avait fait sur la base du principe. D'abord, il voulait que nous entrions drapeau déployé. Moi, j'ai adhéré d'ailleurs quand les autres étaient déjà rentrés. Enfin, je me replace dans la perspective qui était celle des camarades qui ont fait leur entrée en 1934. Il s'agissait de défendre l'unité d'action du Parti communiste, du Parti socialiste et de tous les groupes qui se réclamaient de la classe ouvrière contre le fascisme. Ancien militant des jeunesses communistes, membre du CCI et futur fondateur de l'actuel Parti des travailleurs, Pierre Boussel, dit Lambert, est longtemps proche d'Henri Meunier. Pierre Lambert. Attention, très honnête, je suis dans le lieu. L'intérieur, ça y est, c'est le plus jeune à ce moment-là. Bon, je sais bien le jeune. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Vous êtes encore une fois bienvenue sur Canal Sud. Ouais. Bonjour à la bite. Bonjour. Je casse les couilles. J'ai envie de faire que je me le fous dans la chatte. Avec une capote, ça fera moins mal. Ça fera moins mal avec une capote. Le fou le toit dans la chatte, le micro. Non, j'ai pas envie, tu m'excites pas assez. C'est ce qu'elle a dit, quoi. Donc, quelqu'un d'autre peut peut-être l'exciter à ma place. Non plus. Pour un micro dans la chatte, un micro dans la chatte. Mesdames et messieurs, un micro dans la chatte. One micro dans la chatte. Personne ne veut un micro dans la chatte. Si quelqu'un veut un micro dans la chatte, je le sens grâce à Dieu, l'univers est complot dans l'osmose, c'est fragile de la création. Impitoyable. L'univers impitoyable, mademoiselle, un micro dans la chatte. Un micro dans la chatte. Oui, c'est pour moi. Oui, c'est ça, oui. Oui, bien, un micro dans la chatte, une capote gratuite. Vous avez gagné. Vous avez gagné dans la chatte et une capote. C'était un mouvement collaborationniste avec plein d'illusions sur la possibilité de fonctionner comme ça. Alors bien sûr, il a été dénoncé radicalement par le POI, en particulier par Yvan Crépeau, qui l'a rappelé, mais ça prouve à quel point il y avait de flottement dans les idées. Et une chose sur laquelle j'ai insisté récemment encore dans une correspondance avec un camarade sur cette question, je dis sur le fait que d'un seul coup, il n'y avait pas de théorie dans ces deux mouvements. Sauf le seul ancien, c'était Henri Molinier. Et il en crée pas dans une mesure. Légion des réconforts, le talion au nom des traditions donne le ton aux deux terres s'échappant l'une de l'autre. Enfer et paradis terrestre fondent tour à tour sur ses voisins de même sol. Il faut stopper les biens comme les humains. Le jour ne circule plus, checkpoint, camisole, estampe au long cours, comme un paysage fissure, temps maussade, hypercute au commerce des échanges, l'icône homme logique s'auto-mutile, et les civils voient le fruit du labeur qui se périme. Derrière le mur de peur contre les mines, l'opiacé discours. discours des dirigeants qui signent au placé concourant pour davantage de colonies d'armes et de pions dans les rangs de la Louvre. Grande muette, l'arme et défense de son mur qui couve, court circuit de salle et coups de grisou sous la pluie des cailloux au silence inégal des armes. Terreur, rempart à la terreur. À moins que le téléphone ne soit sans la vie du sang de part et d'autre et de Jérusalem à Gaza, le sursaut des calibres est réguler ou planifier toutes les activités économiques n'était pas sans intérêt. Il y avait tout un aspect planiste. Il y avait toute une série de gens qui avaient été frontistes avec Bergerie et qui pensaient encore qu'on pouvait faire quelque chose. Je me suis aperçu que quelqu'un pour qui j'avais aussi beaucoup d'amitié estimait, il exprimait dans les notes qu'il avait fournies à Marcellus, la conviction que le fascisme avait vaincu pour 20 ans. Et que dans ces conditions, il fallait revoir nos positions et peut-être savoir saisir ce qu'il pouvait y avoir de juste et de positif dans le fait que le fascisme allait nationaliser beaucoup d'industries, des considérations de ce genre. Alors, moi, je lui ai dit, écoute, le pays est maintenant occupé, il y a un problème, une question nationale, et je me suis retrouvé en accord avec X sur cette estimation fondamentale des choses, n'est-ce pas ? Des partisans russes. Truc invisible qui se passe, voilà. Thank you. Sop aussi, qui venait de la gauche pivertiste, il y avait des anciens trotskistes avec Roger Clair, Suzanne Sharpie, etc. Et puis alors, vous aviez des militants qui venaient du Front commun, de Bergerie, qui lui était passé à Pétain et qui a été ambassadeur en Russie. Mais dans la base, il y avait des militants qui étaient absolument sur nos positions à nous et se détachaient de Bergerie. Alors, il fallait rassembler tous ces éléments-là pour essayer de constituer un noyau de résistance politique, intelligente, qui comprenait que on ne pouvait pas à la fois être dans la boule comme ça sans réfléchir à ce que ça représentait aussi, n'est-ce pas ? Nous étions aussi pour que la résistance s'appuie sur la classe ouvrière d'abord, qui était la première atteinte parce qu'on démolissait les usines, parce que le matériel filait en Allemagne comme de Gaulle, parce que les Allemands avaient imaginé des billets, des francs de faux qui circulaient partout, etc. Au début, la résistance, ça a été un mouvement très difficile à définir, un mouvement très difficile à définir. Vous aviez de tout, vous aviez des soldats, vous aviez des bourgeois qui étaient contre Pétain et contre l'occupation allemande, vous aviez... Et puis alors, vous aviez aussi des gens de gauche, vous aviez des PSOC, des trotskistes, de tout, vous aviez de tout à ce moment-là. Alors, vous savez que certains trotskistes, après, ont dit c'était tout ça, c'est la collaboration de classe, il fallait être internationaliste, c'était des nationalistes. Ils ont là toujours été, la collaboration de classe, c'est de la connerie de dire ça. C'est ce qu'ils ont dit à l'époque. Il y avait la question nationale. Et la question nationale, est-ce qu'on peut tolérer, sans réagir, que des fascistes s'installent sur notre pays comme Thierry Gaulle sans dire quoi que ce soit ? Voilà la vraie question, elle est là. Alors, qu'il y ait des réactions nationales, c'est vrai qu'il y en a eu, et dont nous n'avons pas assez tenu compte, mais elles existent. Qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui se sentaient attachés à ce sol et que ça gênait d'avoir des fascistes allemands sur notre sol. Thank you. prochaine station, Capitole. Thank you.

Dimanche 3 avril 2016. Je passe la blanche nuitée en compagnie des anges, dragons, souffle, énergie ou force. Je me ressens un ensemble adéquatement disposé. Je m'octroie le droit au bonheurantissime chaos cosmique. Je suis malheureux d'être, et c'est bien là, la chose quintessentielle que cette susdite chose-là. Les aveux inavoués car explicitement exposés en ange, le con du sociétal pâle m'emmerde démentiellement. Which was about to a new horizon landscape as an evil, but an all could be done infinitely. In imagination, boundless territories, with unreal factual evidence that I am known to be so madly thoughtful about the sorts of thing images I detest. This forever kills my possible obsession. The unreal territories fading, cause fading to fade away. I don't care that you care, cause you don't really care, you just pretend. Dumb shit, lying shit, hellish me ass, me all the volatile product, my ass. Shit.

Thank you. Ces gens-là, c'était les violences, c'était les internements à répétition dont les durées augmentaient à chaque fois qu'ils revenaient. Quoi. C'est ce qui a conduit certains vers une asylisation de 20 années, 25 ans et plus. Thank you. dans cet appartement, vous voyez beaucoup moins de monde. Thank you. traiter la folie. C'était vraisemblablement la maison de santé. L'objectif, c'était de faire que les gens y étaient bien traités. C'est vrai que les esthétiques, c'était quand même... Au niveau de la qualité des soins, ça passe. Il n'y avait pas de famille, mais là, on protégeait les maladies de la famille. C'était pour tueur de la famille, pour le chanteur de la famille, pour toujours de la famille que les gens étaient hospitalisés. C'était des gens qui étaient vraisemblablement riches. Hein. Elle a fait la partie de ses vieux. Elle a été hospitalisée à la demande de sa mère. Elle nous a dit qu'elle avait dit merci de son frère. Parce qu'on a fait à l'époque un placement volontaire dans la ville en 1838. Elle était à la maison de santé. Parce qu'elle a dit qu'à l'époque, il y avait une malade payante. Et le régime commun, il n'était pas immatriculé. Et je suis suivi, docteur en médecine de la faculté de Paris, certifié de mon ancien étudiant. Et passage de type intellectuel très sérieux, qu'elle porte des habits misérables, qu'elle est absolument sale, ne se lavant certainement jamais, qu'elle a vendu tous ses meubles, sauf un fauteuil et un lit, qu'elle passe sa vie complètement renfermée dans son logement, les volets étant hermétiquement clos, et depuis plusieurs mois, elle ne sort plus dans la journée, mais qu'elle fait de rares sorties au milieu de la nuit. C'est d'après des lettres écrites tout récemment à son frère, d'après des propos tenus à la concierge, elle a toujours la terreur de la bande à Redin et se figure être persécutée, que son état déjà dangereux pour elle est également dangereux pour ses voisins et qu'il serait nécessaire de l'interner dans une maison de santé. Paris, le 7 mars 1913, signé docteur Michaud. Qu'est-ce que c'était le travail de la famille ? C'était le premier ménage, c'est tout ce que c'est. La famille de garder les mains de la famille, la famille de surveiller. Est-ce que vous avez vu des bonnes lignes ? Il fallait les garder, les malades, les surveiller. Il fallait des pilules à vie. Tout à l'heure, le procès de France, c'est bien. Il y avait des malades, même si il fallait pas plus malades que vous. Je prenais un cas comme ça. Un arbre de l'homme, il m'a dit, tu sais, c'est dans son ménage, c'est pour essayer de la passer une chose, il est rentré dans le dernier. Ah, non, il n'y a pas, non. Tout le monde, c'est seulement. C'est du jour seulement, lui, c'est le malade. Il m'a dit, c'est plus. On a eu certainement plusieurs. Qu'est-ce que tu as fait, par exemple ? On a fait des habillés, et puis on a fait des chevaux, et ensuite on a des habillés. Mais ça fait... Et vous êtes à prendre là ? Ah ben oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Quand j'ai vu aussi que 5 baignoires allumées, j'ai vu qu'avec la tête qui dépensait, parce qu'il y avait un tablier, on était des courroies, puis ça me laissait trop du bien. J'ai eu un court cœur, je ne sais pas si je peux rappeler ça, je ne sais pas si je reviendrai. Je ne sais pas si je pourrais rappeler ça. On les mettait à 6 heures le matin. On les réchauffait donc dans la matinée deux fois. On les faisait manger et c'était l'après-midi qu'elle les sortait à 4 heures. Et quand c'était des trop grands invités, elle les sortait quelquefois qu'à 8 heures le soir. Quelquefois, j'étais obligée d'appeler les hommes pour sortir les malades de bain tellement elles étaient invitées parce qu'elles ne pouvaient pas y arriver. C'était des malades qui étaient attachés des épaules et des mains toute la journée. Alors moi, dans la mémoire, elle n'était pas attachée. Alors moi je suis rentré à Villebrun parce que j'ai eu un accident sur la route. Je suis rentré dans une pièce, c'était, il y avait des hommes. Alors j'avais tous ces gens autour de moi. J'ai dit à l'infirmière, mais qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de poignée aux portes, pas de poignée aux fenêtres. Ils étaient derrière des cages. Vous voyez, le grillage qui faisait au moins 2,50 m d'hauteur, retourné. Une fille de 15 ans. Il est arrivé d'avoir fait détacher tous les malades en pavillon, il est retourné l'après-midi, les trouvait toutes réattachées. Et comme seule présence parmi 60 malades, une jeune fille de 15 ans, parce que la bonne soeur était plus là. Il y avait à Armentières, pour les grandes agitations, une espèce d'énorme cercueil, bourré de paille, et c'est un genre de boîte, tapissé à l'intérieur de genre de zinc et de métal. Le malade est crucifié et puis on glissait dessus un grillage. Aucun soin autre que le soin purement continu. Le seul traitement qu'on avait à peu près, c'était les éclaircir, une barbecue et une injection. Et puis les traitements de choc, c'était pratiquement tout. Hein. Puis à une certaine époque, on a vu pas mal de corbillards. Hein. Il voyait pas mal, il y en a qui devaient mourir, hein. Il y avait les restrictions, tout ça, le froid aussi. Hein. Tout ce qui est tombé de moi. Alors il y en a beaucoup quand même qui sont dans la vie. Et pour la sentir avec une intensité extraordinaire. Simplement sur le plan ici, voir ce lieu. Bon, c'était un cul, un vin, un calcul, dont on ne peut pas imaginer. J'essayais tout à l'heure de faire un calcul, un vin, un calcul. Je n'arrive pas à compter combien il pourrait y avoir de lits entassés là-dedans. C'était plein de lits. Tout ce plancher était couvert de lits, pas comme ça. Alors, ce souvenir, ça de l'entassement des lits, hein, dans des dortoirs comme celui-ci, une force tragique tout à fait extraordinaire, hein, qui nous remet en mémoire le fait que cette horreur régulière que nous avons consacré notre vie à combattre. Et alors avec un côté d'autant plus dramatique que je crois bien que c'était dans ce dortoir-ci. Mais ils sont tellement semblables les uns aux autres. C'est peut-être dans le pavillon à côté. Hein? 40-41. Et les dortoirs sentaient le cadavre. Le matin, ça sentait les cadavres dans ces dortoirs-ci. Et je crois bien que c'était là exactement où la place analogue dans un autre dortoir, mais où et moi, en pesant 38 kilos, un homme qui en pesait plus de 100 en entrant. Il allait mourir. Ben, je vous dis, mais ça sent le cadavre. C'est comme ça, ce n'est pas une image métaphorique, c'était vrai. Et alors, l'oubli, entre guillemets, hein, de ces réalités, que nous avons, disons, autant cette réalité était un des principaux moteurs de notre action, autant son oubli, hein, continue à faire le moteur de persévérer dans cette action. Comment peut-on, hein, quand, disons, nous avons témoigné à maintes reprises que la pathologie concentrationnaire, nous connaissons, quand ils sont revenus avec leur pyjama rayé du camp de concentration et amaigris comme l'homme dont je parlais là, qui est mort à 38 kilos, hein, on dit, mais la pathologie concentrationnaire, nous la connaissons. Les patients qui, dans l'inanition, souvent se gonflaient, ils se gonflaient d'eau. Et alors on appelait ça les édèmes de carence, ça avait un nom médical. Il était frappé d'édèmes de carence, par la carence alimentaire, il se gonflait d'eau. Et après, quand on passait la visite, comme ça on disait, il se vide. Et il se vidait, les édèmes se vidaient et mouraient au comble de la cachexie. L'idéologie du format. Tu peux arriver à un accident, tu dois nous traiter. C'est pas ça la vie, c'est la vie des autres. Oui, qui m'avait dit, bref, c'est bon. Que le diable lui pardonne, tout me semble dérisoire. Je crois bien qu'il veut que ton garde me fera d'accord. T'es ici parce que t'as rien. Moi, j'ai envie de sortir. Et toi, ça fait pas un grand acteur de vie. Ça fait quelques années tellement que tu dis, normal, tu penses à sortir. J'ai les yeux, c'est un mot de l'âge, je pense pas à sortir. Moi, de ma mère. C'était on disait un quartier d'agité. Ici, c'était on disait un quartier d'agité. Ici, c'était on disait un quartier d'agité. Bonsoir, vous écoutez Canal Sud. On disait un quartier d'agité. 92.2 FM. Ici, c'était au Canal Sud.net avec 2-3-W. Ici, c'était on disait un quartier d'agité. Le point. Ici, c'était on disait un quartier d'agité. C'était nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. On disait un quartier d'agité. Qui va bientôt quitter l'antenne. Je sais, c'est triste. Ici, c'était on disait un quartier d'agité.